Merci, Monsieur le Président. Notre président du culte. C'est étrange. C'est dupliqué. Voilà. Alors, Exode, comme l'André l'a dit, nous y sommes. Et Gilles a fait l'enseignement dans sa prière. Roger a introduit l'enseignement dans les louanges. Et l'André a donné l'application dans son texte. Fait que moi, je vais être très bref. J'espère. Dans un contexte où le peuple de Dieu est en captivité, des circonstances comparables aux événements qu'on va voir dans Exode, Dieu leur envoie une lettre et dit, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, le pays qui vous retient captif, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. C'est Jérémie le prophète qui a écrit dans ce lieu parce que lui, il est à Jérusalem. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il dit ça à du monde qui sont très inconfortables dans leur situation. Et il dit, après 70 ans, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on va voir dans Exode tout le long, c'est que le peuple de Dieu est confronté à la même situation. Le livre d'Exode se lit très bien, c'est du narratif, ça raconte une histoire. Et c'est sûr qu'il y a des chapitres, quand on commence à parler de construire des tabernacles, on donne toutes les dimensions. Peut-être qu'il y a des gens comme Christian ou qui sont manuels là, ou Roger qui aimeraient ces parties-là, mais le reste, ça se lit assez bien facilement. Ça se lit bien, tellement bien qu'on peut oublier la profondeur des événements qui sont racontés dans ce livre-là. Parce que Dieu a choisi là-dedans de se révéler dans la plénitude de sa puissance, sa divinité, sa sainteté, sa pureté. Et ses œuvres dans ce livre sont tellement puissantes que ce qu'il veut ultimement au travers de ça, c'est que son peuple apprennent à faire confiance à ses projets, à ses plans pour eux. Donc, et le message fondamental qu'on peut lire au travers de ce livre, c'est restons donc attachés au plan de Dieu pour nous. Comme Gilles l'a dit, comme l'André l'a dit, parce que, et comme on l'a chanté, il est au-dessus de tout. Il a un amour éternel pour nous. C'est notre guide. Ça tombe bien qu'on ait fini Genèse avant de commencer Exode. Parce qu'on reste dans le plan de Dieu pour l'humanité. Quand on a regardé Genèse ensemble, on a vu plein de généalogies, là, des noms qui vont jusqu'à Christ. Mais en particulier, ceux qui sont encerclés en rouge, c'est ça qu'on a vraiment regardé en profondeur dans Genèse. Dieu s'est choisi un homme, Abraham, pour se former un peuple au travers de cet homme-là, parce qu'il veut être le Dieu. Il veut avoir un peuple qui lui appartient. Il veut avoir un peuple qui lui sert, qui lui soit soumis et qui soit son peuple à lui. Donc, il choisit Abraham, pas parce qu'Abraham est quelqu'un de particulier par rapport au reste de la planète, mais parce qu'il a été élu de Dieu pour être le père de ce peuple-là. Alors, de lui vont descendre tous les restes, Isaac, Jacob, jusqu'à Moïse. On a vu des prophéties dans Genèse. Ce qu'on a vu, c'est que Abraham, qui vit sur la terre 175 ans, Dieu a fait avec lui une alliance. Une alliance où il lui promet justement une postérité qui deviendrait une grande nation. Et la même promesse se répète chez ses fils, c'est-à-dire Isaac, Jacob. Il lui promet une nation, il lui promet un pays, et il lui prédit que ta postérité va séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans et on va les opprimer dans ce pays-là. Mais après les 400 ans, je vais les délivrer, je vais les sortir de là, la quatrième génération, et ils vont habiter dans ce pays que je te donne. Et la manière qu'ils vont sortir, c'est qu'ils vont sortir avec plein de richesses. Ça s'appelle une sortie victorieuse. Tu sors de chez ton ami avec toutes ces richesses-là, c'est que tu es sorti la main haute. Alors, on arrive à Jacob. Jacob a ses 12 fils. Il y a des chicanes de famille et les fils vont vendre celui qui était préféré de papa, Joseph, qui va se retrouver en Égypte. Et quand Joseph rencontre ses frères en Égypte, il leur dit, « Pensez pas que je sois venu en Égypte parce que vous m'avez vendu. Je suis venu ici parce que Dieu m'a envoyé vous préparer du terrain parce qu'il va vous faire du bien. » Les mots qu'il utilise, c'est qu'il prévoit vous accorder une grande délivrance. Alors, dans le contexte direct, c'est qu'il y a une grande famine qui s'en vient dans le monde pendant 7 ans. Et Joseph est envoyé en Égypte pour préparer une bénédiction pour que la famille de Jacob ne soit pas décimée par la famine. Et quand ils s'en vont en Égypte, ils sont 70, d'après les Écritures. Quand ils vont en sortir 400 ans plus tard, Exode nous donne le nombre d'hommes capables de porter des armes, là, qu'on compte à partir de 20 ans. On ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. J'imagine toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de porter des armes non plus à cause d'un certain âge. On estime à 2 millions le nombre de personnes concernées par la sortie en Égypte. Donc, une multiplication assez phénoménale du peuple. Et quand Jacob descend en Égypte, là, parce qu'il a des luttes, il ne croit pas vraiment que son fils est encore vivant en Égypte, et Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, ne crains pas de descendre. C'est moi qui t'y amène et c'est moi qui t'en ferai remonter. Et de là, je te multiplierai. Donc, on est encore dans le plan de Dieu, qui prépare quelque chose pour son peuple. Et Joseph, là, qui va être en train de mourir à 110 ans, il est couché sur son lit, il va dire à Israël, « Je sais que Dieu va vous visiter, Dieu va vous sortir d'ici. Quand vous allez partir, laissez pas mes os ici. » Donc, quand les événements d'Exode sont des événements qui sont fondés sur des prophéties, des promesses que Dieu a faites pour que son peuple garde la confiance, la foi, en toutes circonstances, dans tout ce qu'ils vont vivre en Égypte. Alors, si on parle d'Exode lui-même, Exode, le nom le dit, Exode veut dire sortie de. Les Hébreux, quand ils donnent des noms aux livres, ce n'est pas compliqué, ils prennent les premières lettres du livre, ils appellent le livre par ces premières lettres-là. Le livre d'Exode commence par « Voici les noms ». Donc, la version hébreu du livre, c'est le livre des noms. Mais quand nos traducteurs de la version grecque, là, qu'on appelle la Septante, ont traduit, ils ont pris l'événement central du livre pour donner un titre, donc on l'a appelé Exode. Et c'est le deuxième livre écrit par Moïse, après la Genèse, évidemment. Et là-dessus, il n'y a pas de doute, les Écritures, incluant Jésus lui-même, disent que c'est Moïse qui est l'auteur de ces livres-là. Et contrairement à ce que je pensais, parce que préparer cette étude me faisait un peu peur, je me disais, oh mon Dieu, Christian m'a donné une grosse étude d'introduction, c'est trop de travail. J'ai découvert qu'Exode, là, c'est 2 ans des 40 années qui vont passer dans le désert. Exode couvre 2 ans des 40 années, environ 2 ans, c'est pas 2 ans pile, c'est environ 2 ans. Le reste, c'est dans les autres livres, Nombre, Deutéronome, Josué. Mais Exode, j'étais content de l'apprendre parce que ça a ramené mon introduction à moins d'études, on va dire ça comme ça. Donc ça couvre les 2 premières années de la sortie d'Égypte. Et c'est un récit central qu'on retrouve dans plein de prophéties, des cris des prophètes, je veux dire, qu'on retrouve dans les psaumes, cet événement-là que Dieu va utiliser toujours pour ramener son peuple à lui faire confiance. Alors, dans 1 roi, ça nous dit que ces événements ont lieu 480 ans avant la construction du temple en Israël, temple construit par Salomon. Donc, c'est quand même des dates qui nous permettent de situer, pas à l'exactitude, mais ça nous permet quand même de situer certains événements qui se sont passés en Égypte, de les placer dans le temps. C'est sûr que ceux qui sont très, très versés dans ce type d'études-là ne sont pas tous d'accord, mais ça donne des approximations. Et pourquoi je parle de ces dates en particulier? Parce que quand on va voir tantôt dans les études que Moïse et Aaron sont confrontés à un pharaon puissant qui s'élève contre Dieu et que Dieu nous dit qu'il a suscité ce pharaon-là pour à dessein montrer sa puissance, ce n'est pas juste une question de l'individu, c'est une question d'Égypte. À ce temps-là, l'Égypte est dans l'apogée de sa puissance économique, militaire, politique. Ils ont des pays qui leur sont assujettis, qui leur payent un tribut. Leur influence va de loin au-delà de leurs frontières. Est-ce que c'est quelle dynastie? Parce que vous savez qu'en Égypte, il y a eu plusieurs familles qui ont régné, qu'on appelle des dynasties. Alors, est-ce qu'on se situe dans la 18e dynastie, selon certains commentateurs, ou dans la 19e, peu importe. Mais c'est une période où il y a un pays très puissant sur la terre, dans la région et dans le monde, qui va se lever en orgueil contre Dieu. Moïse, donc, qui écrit ce livre, c'est quelqu'un dont Guillaume va parler la semaine prochaine, qui a passé les 40 premières années de sa vie à recevoir l'éducation égyptienne. Et les 40 années suivantes, il va les passer en tant que berger à Madian, chez son beau-papa. Et toute cette expérience, Dieu le prépare à être ultimement celui non seulement qui va se placer devant Pharaon et lui parler un langage qu'il comprend, et celui qui va aussi être le berger, le conducteur d'Israël pour la sortie en Égypte. Donc, évidemment, il écrit ce livre pendant le parcours d'Égypte d'Israël dans le désert. Le thème central dans le livre d'Exode, c'est la fin. Tout a une fin. Peu importe la profondeur de nos souffrances, c'est la fin de la période d'oppression des enfants de Dieu. Dieu nous montre que peu importe sous quelle puissance on peut souffrir, tout a une fin arrêtée par lui. Donc, c'est la fin de cette période d'oppression est le début d'une nouvelle vie d'enfant libéré pour obéir et pour servir Dieu. De esclave du monde, de Pharaon, à serviteur libéré de Dieu. Et donc, au moment approprié dans le désert, que ce soit au Sinaï, pour ce qui concerne plus l'Exode, Dieu va leur donner des lois pour leur apprendre à vivre en tant que peuple de Dieu. Et ce sont ces lois-là, dans le fond, qui vont les distinguer des autres peuples. Pas besoin de tout voir dans la carte. Quand ils sortent d'Égypte, là, la flèche verte, c'est le chemin humain naturel pour aller à la terre promise. Simple. Mais le chemin que Dieu va leur faire, c'est tout le contour que vous voyez. Toutes les étapes de 1 à 18. Ce sont des approximations. Pas mal toutes les cartes de commentateurs sérieux ont à peu près le même tracé. Les noms des villes ont changé, les noms des lieux ont changé, on ne peut pas dire, attester que tout ce qui est ici est exact. Mais ce que l'Écriture dit, c'est que Dieu n'a pas choisi un chemin facile pour conduire son peuple. Il a choisi le chemin le plus long pour des raisons qui lui appartiennent. Donc, la barre rouge, de l'étape 1 à 8 en bas, là, ça c'est Exode. Les restes, ce n'est pas couvert dans Exode. Les autres étapes de voyage sont racontées dans d'autres livres. Et les petites maisons, ce sont des campements. Donc, avant d'arriver au mont Sinaï, là, ils vont camper 4 fois. Et à chaque fois, il y a des épreuves. Parce que comme on peut le voir dans les cartes, on dit souvent que c'est la traversée du désert. Dans le fond, ils traversent plusieurs déserts. Du moment où ils sont libérés à Sinaï, là, il y a eu comme des airs de Chu, des airs d'Étam, des airs du Sinaï. La marche avec Dieu, c'est une traversée de désert, et à chaque traversée de désert, c'est une épreuve très difficile pour le peuple de Dieu. Alors, l'objectif du livre. Quand Moïse se présente devant Pharaon là, et lui dit que Dieu m'envoie pour libérer le peuple, pour te dire de laisser partir son peuple, Pharaon lui pose une question très pertinente que tout homme se pose à cette époque-là et que plusieurs encore se posent aujourd'hui qui est en rouge ici. Il lui dit, mais qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Qui est-il afin que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. Et l'objectif du livre, des événements d'Exode, je veux dire, c'est effectivement de publier le nom de l'Éternel par toute la terre, en commençant chez Pharaon, qui pose la question. Israël même a besoin de connaître qui est son Dieu. Et on le voit quand ils vont traverser la mer, ils vont être vraiment touchés par la puissance de Dieu qu'ils vont entonner un cantique. Et dans ce cantique-là, qui est un extrait que je ne vais pas... On aura à revenir là-dessus quand on sera dans ce chapitre-là. Ils disent, « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en santé, digne de louange, opérant des prodiges? » Ils énumèrent plein d'affaires. Donc l'objectif du livre, c'est de publier la puissance, la gloire de Dieu dans le monde. Et c'est encore l'objectif de l'Évangile aujourd'hui. Dieu se sert de Pharaon, Dieu se sert de son peuple pour ça. Et aujourd'hui encore, Dieu se sert de nous pour publier sa gloire dans le monde. J'ai imprimé le plan. Ce n'est pas mon plan, c'est le plan d'un auteur bien connu, John MacArthur, là, qui est fidèle, qui a plus de détails que ce que j'aurais fait comme plan, mais qui est fidèle au plan du livre. Je l'ai imprimé pour ceux que ça intéresse. Je ne le passerai pas en détail ici, mais on voit qu'il y a 3 grandes sections dans Exode. Donc, on retrace la vie d'Israël en Égypte avant la sortie. Donc, c'est essentiellement jusqu'au chapitre 12. Et on raconte Israël,

Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et ce qu'on voit ce matin, c'est que le plan de Dieu pour son peuple, comporte des épreuves de foi. Et pour exposer ça, je vais beaucoup m'appuyer sur l'exemple des deux sages-femmes en question. Le plan de Dieu pour son peuple comporte des épreuves de foi. Alors, quand on lit Exode, là, on a Genèse, on a tout ce qui vient après, on a même le Nouveau Testament, c'est facile. Je vous dis, c'est facile de faire des ponts et disant, waouh, le plan de Dieu est clair, c'est évident. Et on comprend, merci Seigneur. Mais quand on se met à la place de ces gens-là qui ont vécu ça, qui n'ont pas ça, qui ont peut-être une tradition orale qui ne donne pas tous les détails, c'est autre chose. Quand ils arrivent en Égypte, c'est facile de croire le plan de Dieu parce qu'ils arrivent, mon Dieu, miraculeusement. Il y a tout un cortège royal puissant qui s'en va les chercher. Facile de voir la main de Dieu là-dedans. Ils arrivent en Égypte, leur frère règne, le deuxième homme le plus puissant du pays. C'est facile de voir la main de Dieu là-dedans. Et ils sont sous la conduite de Dieu. On les établit à Goshen, dans un pays qui leur appartient parce qu'ils sont bergers, il ne faut pas qu'ils se mélangent aux autres. C'est facile de voir la main de Dieu. Ils sont dans une position favorable. C'est facile. Les frères de Joseph, quand ils ont peur de ce que Joseph peut faire après la mort de leur père, ils vont voir Joseph. Ils vont dire à Joseph, notre papa a dit de ne pas nous faire du mal, là, je paraphrase. Et en lui disant, ils se définissent comme ne pas faire du mal aux serviteurs de l'Éternel. Ils se définissent comme serviteurs de l'Éternel. Donc, c'est des gens qui se considèrent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et qui ont vu la main de Dieu dans la réconciliation avec Joseph, dans tout ce que Dieu a fait. Pour les quelques générations immédiates qui vont suivre, c'est facile à raconter. Et surtout, quand arrive ce qu'on vient de lire, c'est aussi facile de dire, est-ce que c'était une bonne chose de venir en Égypte ou c'était une mauvaise chose de venir en Égypte? Quand les épreuves arrivent, c'est facile de commencer à se poser des questions qui nous éloignent du plan de Dieu. C'était bon, c'était pas bon. On a vécu bien pendant, après des longues années d'esclavage. Il y a des gens qui sont nés dedans, qui n'ont pas connu autre chose que l'esclavage, qui sont morts là-dedans. Comment tu peux leur expliquer qu'ils sont dans le plan de Dieu? Ça prend la foi dans ces épreuves-là. Alors, ce qu'on lit, c'est quoi? C'est que il y a un nouveau roi. Quand toute cette génération meurt, qui est arrivé, qu'on a cité ici, meurt, s'écoule des années, il y a un nouveau roi qui arrive. Lui ne connaît pas Joseph. Il ne l'a pas connu. C'est même pas la même famille qui régnait en Égypte, qui règne en ce moment-là, qui régnait quand Joseph était là. C'est pas la même famille qui règne ici. Là. Lui, il l'a pas connu. Et lui, il dit à son peuple, « Hey, ils sont pour nous une menace. » Sont pour nous une menace à notre prospérité. Si des ennemis surviennent, ils pourraient décider de partir, c'est pas bon pour nous. Et Étienne, là, lorsque Étienne raconte avec tellement de sagesse ces événements-là, dans Actes, il va dire, c'est parce que les temps de Dieu, le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, il s'éleva alors un nouveau roi, parce que ce nouveau roi devait commencer à exécuter le plan de Dieu. Et ce nouveau roi-là, on ne le lit pas clairement ici dans Exode, mais la manière qu'il s'est pris pour assujettir Israël, c'est qu'il s'y est pris par ruse. Hein? Il les a trompés pour les assujettir. Donc, lui s'élève pour les assujettir et il réussit à le faire. Donc, il va les accabler de travaux pénibles, il va les réduire à une due servitude et il va le faire avec cruauté. C'est ce qu'on lit. Et son désir pour ce pharaon-là, c'est le contrôle. Vous allez me servir, moi. C'est le contrôle, c'est de dominer, c'est de prendre le dessus. Et ce qu'on lit ici, c'est que ce qui l'anime, c'est la peur, en quelque sorte. Hein? Quelqu'un des anciens, je ne me souviens plus lesquels, là, disait, derrière la peur, c'est Satan. Satan utilise la peur de ce monsieur pour combattre le peuple de Dieu et pour combattre le plan de Dieu. Alors, vu qu'il est animé par la peur, il va monter son peuple. Donc, ça dit ici qu'ils ont une aversion. Ils ont une aversion. Aversion, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de compassion. C'est de l'hostilité. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur prospérité économique. Israël est juste un instrument de développement économique pour eux. Donc, on a d'un bord un peuple qui maltraite sans compassion. D'autre part, un peuple qui est maltraité, qui pousse des cris vers Dieu. Sauf que la bénédiction qui a été dite à Jacob, c'est moi qui t'amène en Égypte, c'est moi qui t'en fais remonter, et de là en Égypte, je te multiplierai. Alors, plus on l'opprime, plus Dieu agit. Plus on l'opprime, plus Dieu agit. Il agit où? Dans les circonstances immédiates qu'ils aimeraient voir changer, c'est-à-dire que celui qui les frappe, frappe moins fort, s'il frappe 10 coups, il frappe 5 coups, qu'il y ait plus de paille pour faire plus de briques rapidement, que l'argile soit plus facile à travailler. C'est pas là qu'il agit. Il agit dans l'accomplissement de sa promesse qui est conforme à son plan. Là, je te bénirai et je te multiplierai. Est-ce que le peuple voit cette multiplication comme une bénédiction? À leur place, je ne le verrai pas comme ça. Je ne verrai pas ça, la bénédiction. C'est une source d'angoisse pour eux. Là, on se multiplie, plus on se multiplie, plus on est maltraité. Et ça nous arrive tous, ça nous arrive. On parle d'eux, mais ça nous arrive. Qu'on est dans ces situations éprouvantes, d'épreuves, la bénédiction abonde, mais on peut ne pas la voir. On la cherche ailleurs. Pas dans ce que Dieu fait. Parce qu'on n'est pas les yeux attachés à son plan quand l'épreuve arrive. Alors, plus on les maltraite, plus ils se multiplient. Plus on les maltraite, plus ils se multiplient. Et Je vais beaucoup m'attarder sur l'attitude de ces deux femmes-là, les deux sages-femmes dans cette épreuve-là. En passant, ce qu'il est porté à croire, c'est que ce ne sont pas les deux seules qui sont sages-femmes en Israël, là, dans le milieu, parce que deux à accoucher, 2 millions de personnes, c'est peut-être pas évident, là. Ça doit être des représentants de sages-femmes. Que Dieu a choisi de nommer ici à cause de leur témoignage dans cette épreuve-là. Dieu a voulu qu'on lise leur nom et que le monde entier lise leur nom dans l'histoire de l'Exode à cause de leur attitude. Alors, Pharaon leur dit, quand vous accoucherez les femmes, les femmes des Hébreux, faites mourir les garçons. Laissez vivre les filles. Les sages-femmes n'ont rien dit quand Pharaon a dit ça. Ils n'ont pas répondu en parole. Ils ne lui ont pas manqué de respect. Ils ne l'ont pas raisonné. Ils n'ont rien dit, rien n'est rapporté dans les Écritures. Mais ils ont répondu en œuvre. Ils ont fait quelque chose. Et c'est dans ce qu'elles ont fait qu'on peut voir ce qui était dans leur cœur. Et non pas dans l'arrogance. Alors, ils vont faire ce que Dieu met dans leur cœur et Dieu va les bénir. On va revenir là-dessus. Comme je disais, ces affaires sont faciles à lire. Honnêtement, là, c'est des histoires qu'on a lues, relues, là. Ça vaut la peine de s'arrêter. Alors, d'un point de vue humain, est-ce que vous connaissez, c'est une expression québécoise, toucher le fond du baril. Vous connaissez cette expression-là? On dit, j'ai touché le fond du baril, ça vous dit quoi? Hein? Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de toucher le fond du baril? Des situations où tu dis, Seigneur, j'ai une petite conviction, me dit Seigneur, je suis déjà pas mal plus bas, je suis convaincu que tu n'en rajouteras pas. Mais Dieu en rajoute. Alors, ces gens-là sont déjà réduits à la pire servitude, la cruauté. Les rois, en ce temps-là, ce ne sont pas des enfants de cœur. J'avais tellement d'infos sur l'Égypte à vous présenter quand j'ai discuté avec Christian. Je suis parti d'une trentaine de diapositives à quelques-unes. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Okay? Du point de vue purement humain, voici ce que ces gens vivent. On est déjà très bas dans la souffrance. Nous, nos enfants. Et on ajoute à ça, ou Dieu permet à ça, une épreuve encore plus difficile que celle qu'on vivait. C'est qu'on doit maintenant exposer nos enfants à la mort. Est-ce que c'est ton premier garçon, ton deuxième, ton dixième? Dès qu'il naît, il faut le laisser mourir. C'est ça que Pharaon leur demande. Ça, c'est du point de vue humain, comment on le vit. Seigneur, il me semble que si j'étais... Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Je suis déjà esclave. Je peux aller plus bas. Maintenant, il faut que je tue mes enfants. Est-ce qu'il y a des souffrances vraiment plus grandes humainement par là? Un parent qui doit tuer ses enfants? Essayons de lire la même chose du point de vue de Dieu. Alors, vous êtes maltraité parce que je vous bénis. Voulez-vous que j'arrête de bénir? Vous répondez quoi? Seigneur, arrête de bénir. Qui peut faire une prière ici pour dire, Seigneur, je te prie d'arrêter, de diminuer les bénédictions que tu envoies ou de les arrêter? Dieu bénit. Dieu ne peut pas arrêter de bénir. Est-ce que nous, on va arrêter d'enseigner la parole de Dieu parce que la vérité est combattue? Ce n'est pas possible. On va continuer de bénir en enseignant la parole de Dieu. Ou les enfants qui sont à l'école, qui sont confrontés à d'autres choses, et parce qu'ils affirment leur foi, ils sont combattus, alors on arrête d'enseigner la parole à ces enfants-là? Ou les enfants eux-mêmes nient leur foi à l'école parce que ça leur apporte du trouble? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez remarqué que là où nous sommes les plus bénis, c'est de là que pourraient venir les pires épreuves de la vie? Famille, église, couple. Est-ce que Dieu va arrêter de bénir l'église parce qu'il peut avoir des difficultés à l'église ou dans une famille parce qu'il peut avoir des difficultés dans un couple? Alors je vous sépare, je vous divorce. Ce n'est pas possible. Il va continuer de vous bénir en vous donnant de persévérer ensemble, par sa grâce. Donc, dans le fond du baril, là, je peux avoir la perspective humaine. Je peux essayer de voir les choses de la perspective de Dieu. Et c'est ce que ces sages-femmes, Shpra et Pua, vont faire. Parce que pour Dieu, tout comme Israël en son temps, nous ici, nous sommes le peuple sur lequel reposent les bénédictions prophétiques. La bénédiction prophétique disait, je vais vous multiplier et je vais vous multiplier. Vous allez devenir une grande nation, je vais vous bénir. Nous sommes aujourd'hui le peuple sur lequel repose cette bénédiction et nous sommes appelés à nous reproduire, d'après Jésus. Et voilà la cause de leur lutte. C'est exactement contre cette bénédiction que Pharaon va se battre. Parce que ça dit, arrêtons-les de se multiplier. Il adresse exactement ce que Dieu est en train d'accomplir pour dire, je veux arrêter ce que Dieu est en train de faire. Et le choix qui se pose aux sages-femmes, je vais dans le sens de la bénédiction de Dieu ou je vais dans le sens de Pharaon, étant au fond du baril. Parce que quand on est dans ces situations-là, il y a beaucoup de choses dans nos têtes. Hein. Le stress, la peur, je les ai toutes nommées ici, pas toutes presque, un tout petit peu. La liste pourrait être très longue. Les découragements, les larmes. Des larmes. Et Dieu veut que dans ces situations-là, cohabite sa crainte, même si on peut avoir des larmes, de la peur, la fatigue, le découragement, le doute, crier, il veut que sa crainte demeure là. Ces femmes-là, c'est ce qu'elles avaient. Elles étaient d'Israël, parmi Israël, souffraient les mêmes souffrances, mais ça dit, elles craignirent Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de l'opportunité que Pharaon leur donne? Vous êtes malmenés, méprisés, maltraités. Je vous donne l'occasion d'être collaboratrice de Pharaon et de pouvoir apporter un peu de répit à vos maisons. Vous allez devenir les amis de Pharaon étant au fond du baril, là, si vous m'aidez à tuer tous les premiers fils. Vous choisissez quoi? Sachant que dire non à Pharaon, j'expose ma vie à la mort, ou à plus de souffrances encore que tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, c'est à ça qu'elles sont confrontées. Alors, dans cette épreuve, merci Gilles de m'avoir aidé avec ça. Dans cette épreuve, je vais chercher à m'éloigner du plan de Dieu pour chercher une paix qui n'est pas une paix? Est-ce qu'elles vont chercher à s'accorder avec Pharaon pour combattre la bénédiction sur Israël? Non, elles ne vont pas le faire. Elles vont choisir de craindre Dieu. Et ça, j'insiste parce que tout le long du livre, c'est le même choix qui va se poser au peuple de Dieu tout entier. Je crois ou je ne crois pas. Je m'attache à son plan ou je ne m'attache pas. Plein de fois, là, ils ne vont pas faire comme ces deux femmes-là. Plein de fois, ils vont dire dans le désert, on préfère retourner en Égypte. On préfère travailler dans le sens de Pharaon. Pharaon veut qu'on retourne, on préfère retourner. Et non pas dans le sens de Dieu qui veut nous sortir de là et nous amener dans la bénédiction prophétique qui est la terre promise dans notre contexte. Est-ce que c'est parce que ces femmes-là ont fait la bonne chose que Dieu a arrêté le malheur en Israël? Des fois, on s'attend à ce que parce qu'on fait ce que Dieu dit, tout va aller super bien dans la vie de tout le monde. Ou que ça va changer des circonstances dans la famille, dans l'église. Parce que nous, on a fait ce que Dieu dit, il faudrait que les choses changent. Ça ne va rien changer, les enfants vont continuer de mourir. Mais elles vont être bénies, elles et leur maison, pour avoir choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'à Pharaon. Elles sont bénies. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que soit en tant que peuple de Dieu, collectivement comme dans le cas d'Israël, et collectivement comme dans le cas de l'Église de Jésus-Christ, soit dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes dans notre existence, toujours confronté à est-ce que je reste attaché au plan de Dieu ou est-ce que je suis une autre voix quelque part dans ma tête ou quelqu'un d'autre ou un autre docteur ou un discours quelconque qui m'appelle ailleurs. Et des fois, il y a des circonstances qui peuvent nous séduire parce qu'elles elles pourraient nous laisser voir une porte de sortie, une paix qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est de se souvenir des promesses de Dieu. Et quand on dit donc, gardons la foi au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, là, ici, dans Exode, on va le voir tout le long. Tout le long. Tout ce que Dieu va nous enseigner dans ce livre-là, c'est qu'il est un grand Dieu digne de confiance et que peu importe la brutalité, la profondeur de l'épreuve, de la blessure, peu importe la chaleur du désert, un endroit où il n'y a ni vie, ni rien, ni aucune bénédiction, pas d'eau, pas de verdure pour se nourrir. Peu importe l'obstacle, une mer à traverser, restons attachés au plan de Dieu dans toutes circonstances de nos vies. Amen.